réfléchis, c'est bon, je vais le faire. Je veux garder ma femme, donc il faut le faire. Mon meilleur ami n'arrête pas de me dire que toi, il faut que tu changes ta vie. Il a raison, faut que je lui dise, allez, j'appelle. De prendre quelques affaires pour s'acclimater à son nouvel univers. Cette maison sera la sienne désormais. Je lui dirai que je suis prêt à vivre avec elle. Allez, je l'appelle. Salut Stéphanie, c'est Agnès. Ok, tant pis, faut que lui dise ce soir, c'est essentiel. Bien obligé vu l'heure, j'ai pensé aux champs, même aux fleurs, pour accompagner mes mots et lui faire honneur. Ce qui devrait la combler pour les douleurs. Pas de chez elle, plus d'hésitation, c'est l'heure. Le temps 5, 9, 3 et 8. Je sors de l'ascenseur, je suis en sueur. Stressé, clé en main, j'entends battre mon cœur. Quelque part, cette lumière tamisée, je ne comprends pas. J'avance encore, et là qu'est-ce que je vois? Mon pote et ma femme en plein émoi, j'y crois pas.